The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Olympic Games. Les Jeux Olympiques. Event. La manifestation. Reminder. Le rappel. Celebrations. Les festivités. Olympiad. Les Olympiades. To put back. Remettre au goût du jour. Scale. L'envergure. Cradle. Le berceau. Aegis. L'égide. International Olympic Committee. Comité international olympique. To compete. Concourir. Counterpart. L'homologue. Dramatic. Fulgurant. Contestant. Le concurrent. Media coverage. La couverture médiatique. Motto. La devise. Now, a bit faster. Olympic Games. Les Jeux Olympiques. Cradle. Le berceau. Olympiad. Les Olympiades. To put back. Remettre au goût du jour. Scale. L'envergure. Reminder. Le rappel. Olympiad. Les Olympiades. Dramatic. Fulgurant. Aegis. L'égide. Motto. La devise. Media coverage. La couverture médiatique. Aegis. L'égide. Dramatic. Fulgurant. Aegis. L'égide. Dramatic. Fulgurant. Reminder. Le rappel. Event. La manifestation. Cradle. Le berceau. Media coverage. La couverture médiatique. To put back. Remettre au goût du jour. Cradle. Le berceau. Motto. La devise. Scale. L'envergure. Olympic Games. Les Jeux Olympiques. Counterpart. L'homologue. Event. La manifestation. Cradle. Le berceau. To compete. Concourir. Scale. L'envergure. Dramatic. Fulgurant. Olympic Games. Les Jeux Olympiques. Aegis. L'égide. Now, use the words in context. L'envergure. Last month's riots stood a chance of turning into a wide-scale conflict. Les émeutes du mois dernier risquent de se transformer en conflit de grande envergure. Remettre au goût du jour. Last summer, green was brought back in style by the fashion designers. L'été dernier, le vert a été remis au goût du jour par les créateurs de mode. Le berceau. Africa is the cradle of humanity. Le berceau de l'humanité est l'Afrique. Fulgurant. The actress's former colleagues, who didn't believe in her, were surprised by the dazzling rise of her career. L'ascension fulgurante de cette actrice a surpris ses anciens collègues qui ne croyaient pas en elle. Remettre au goût du jour. Last summer, green was brought back in style by the fashion designers. L'été dernier, le vert a été remis au goût du jour par les créateurs de mode.